À quoi rêvent les jeunes filles ? Éternelle question. Oh, la réponse est simple. Elles rêvent au grand amour, au prince charmant. Mais selon les latitudes, selon les peuples, le prince charmant peut être assez différent. Même si les jeunes filles rêvent au prince charmant, les parents ne sont pas toujours d'accord avec le choix de leur enfant. Et ce choix peut être aussi mal accepté qu'il marque la condamnation à mort de la pauvre créature. Romina Dawson est une ravissante jeune fille de 15 ans. Enfin, ravissante selon les critères de son peuple, les Bushmen d'Australie. Elle possède une peau très foncée, un nez épaté, des yeux profondément enfoncés dans leurs orbites. En la voyant, on a une idée de ce que devait être notre lointain ancêtre, la femme de Néandertal. Romina sent battre son cœur quand elle aperçoit un jeune homme de sa tribu, le beau Natchako. Elle pense, ce serait un bon mari. Quand il me voit, il me sourit. Et il n'a pas son pareil pour chercher des larves succulentes, pour dénicher des grenouilles remplies d'eau tellement rafraîchissantes. Avec lui, je serai heureuse. Il me ferait de beaux enfants. Romina rêve, car son mariage doit avant tout obéir à tout un code de règles strictes et compliquées. Le cœur n'a aucun droit à la parole. Ce qui compte, c'est le totem du futur époux, son appartenance à un groupe tribal précis. L'amour, ce n'est qu'un détail. Mais Romina, une des dernières représentantes des Bushmen australiens décimées par la conquête britannique, a des idées plus modernes. Elle veut Natchako et refuse obstinément de regarder celui que son père lui destine. Comme Romina est une jeune fille décidée, elle parvient à ses fins et quelques mois plus tard, elle épouse le beau Natchako malgré la décision de la tribu. Elle semble heureuse et au bout d'un an, elle donne le jour à un beau bébé. Elle vit dans le bonheur malgré son crime. Le père de Romina rencontre un membre de la tribu, le sorcier. Peu de gens connaissent la véritable identité du sorcier, c'est un secret. Le sorcier, le Kurdaïcha, laisse tomber son verdict. La mort. Je m'en occupe. Mais la mort comment ? Avec l'arrivée des Blancs, il n'est plus question d'exécuter une femme, encore moins une jeune fille, d'un bon coup de matraque derrière le crâne. Le sorcier possède d'autres moyens d'arriver à la justice, à sa justice, si l'on peut dire. Désormais, le Kurdaïcha consacre une partie de sa journée à mettre Romina à mort, sans même que celle-ci ne se doute de rien. Et non seulement Romina, mais aussi son mari Natchako. Et le bébé aussi, et même les parents de Natchako, et un neveu qui habite chez eux. Chez les Bushmen d'Australie, on ne fait pas dans le détail. Surtout que pour le Kurdaïcha, il n'est pas besoin de mitraillettes ni de poisons foudroyants. Un simple os suffit. Le sorcier s'accroupit devant un os. Os de quoi on l'ignore. Peut-être un os humain, ou un os de kangourou. C'est un os magique. Le sorcier le considère les yeux mi-clos et chante, dans sa langue, une sorte de mélopée. Oh, pour ceux qui comprennent, les paroles en sont simples. Romina, que ton sang se transforme en pierre. Natchako, que ton sang se transforme en pierre. Le sorcier est en train de créer une chanson qui tue. Pendant un mois, Romina ne s'aperçoit de rien. Ou bien sûr, elle est un peu inquiète. Quand elle a annoncé son refus d'épouser le prétendant choisi par sa tribu, elle s'est dit qu'elle prenait de grands risques. Mais une jeune fille a en tête d'autres pensées que celles de la mort. Au bout d'un mois, Romina ne se sent plus très bien dans son assiette. Le résident chargé de veiller sur le sort des Bushmen de la réserve rencontre Romina. Elle est prostrée au pied d'un eucalyptus. Il arrête sa jeep, saute à terre et lance « Bonjour Romina, qu'est-ce qui t'arrive ? T'es fatiguée ?» Tu ne devrais pas être avec les autres pour le corrobori. Le corrobori est une danse. Et aujourd'hui, le résident George Wellrose sait que les indigènes sont réunis, armés et couverts de peinture, pour exécuter un taléra corrobori, une danse pour obtenir de la pluie. Romina semble indifférente. Monsieur Wellrose tâte le front de la jeune indigène. Mais dis donc, t'as une forte fièvre. Tes parents ne t'ont rien donné pour ça ? Wellrose sait que les remèdes des Bushmen sont souvent étonnants. Des mélanges peu ragoûtants d'insectes broyés, de plantes plus ou moins appétissantes. En tout cas, ils sont souvent efficaces. De vieilles recettes héritées de la préhistoire et transmises oralement pendant des centaines de générations. Allez, viens dans la Jeep. Je vais t'emmener au dispensaire. Le docteur Blanc va te soigner. Au dispensaire, le docteur Jenkins examine la pauvre Romina. Elle a de la fièvre, c'est évident, et le ventre gonflé. Mais impossible de diagnostiquer aucune maladie connue des Européens. Qui irait penser que cela puisse être l'effet d'une chanson qui tue, marmonnée depuis un mois, devant un os magique ? En ramenant Romina vers sa tribu, George Wellrose, qui est au courant de tout, demande « Et ce mariage, es-tu heureuse ? Tu as un bon mari ? J'ai appris que tu avais un beau bébé ? Ton mari a un bon métier ? C'est un bon tondeur de mouton ?» Romina sort un peu de son état comateux pour faire un signe de tête. Non, elle n'est pas contente. Elle dit dans un anglais approximatif « Le sorcier est venu chez nous, un soir. Il tenait un os à la main. Et il l'a tendu vers mon bébé que je venais de coucher pour la nuit. Mon bébé a commencé à suffoquer et il est mort en moins d'une heure. Ton bébé est mort ? Tu l'as dit à la police ? » Romina ne répond pas. Wellrose, tout en gardant les yeux sur la piste poudreuse, réfléchit. Elle a refusé le fiancé choisi par sa tribu. Oh, que je n'aime pas ça. Si ça se trouve, elle est envoûtée par un fichu sorcier et ses recettes maléfiques. Sans en connaître les détails, Wellrose est au courant des pratiques magiques des Bushmen. Pour un Européen, il s'agit de suggestions pures, et ces envoûtements ne font de l'effet qu'à une seule condition, que celui qui en est l'objet y croit. Mais sait-on jamais ? On a vu des Européens en pleine forme succombant rapidement à des maladies inconnues, tout simplement parce qu'ils étaient entrés en conflit avec des sorciers indigènes. Wellrose annonce « Il faudrait que je découvre qui est le sorcier de la tribu. » En fait, Wellrose, s'il l'identifie, a l'intention de faire avouer au sorcier qu'il se livre à de mauvaises manœuvres contre Romina. Si le sorcier est lancé dans une opération de magie noire, il fuira tout contact humain. Ce sera déjà un indice. Et puis, il s'abstiendra de se laver. Pour bien faire, il faudrait que je le voie quand il dort. S'il est lancé dans ses pratiques magiques, il dormira avec la tête posée sur un de ces os magiques dont ils ont le secret. Il faudrait le surprendre en plein sommeil. Wellrose se souvient de ce que lui a confié Andy Sistage, son prédécesseur au poste de résident, 15 ans auparavant. Cela l'avait fait rire aux éclats. Mais Sistage avait insisté, ne riez pas. Personnellement, je prends ces pratiques très au sérieux. Ces Bushmen ont certainement conservé des pouvoirs que nous avons perdus avec le christianisme et la civilisation. Des pouvoirs et des secrets aussi. Quand le sorcier a dormi plusieurs nuits la tête sur son os magique, il arrive qu'il en vienne à rêver de la victime qu'il a choisi de faire mourir. Et pour lui, il ne lui reste plus qu'à terminer l'opération. Ah bon, vraiment ? Et en faisant quoi ? Tout simplement, en jetant l'os magique dans un feu. Avant de brûler l'os, il en colmate les deux extrémités avec de la cire d'abeille. C'est pour que l'âme de la victime reste prisonnière à l'intérieur. Et puis il jette l'os au feu. C'est à ce moment que la victime entre en agonie. Elle meurt souvent dans d'atroces souffrances. Souffrances que les médecins blancs sont impuissants à soulager. Voilà, je vous livre les faits tels que je les ai constatés plusieurs fois. Wellrose, une fois qu'il a déposé Romina chez elle, se rend au poste de police. Vous savez que le bébé de Romina Dawson, la femme de Chaco, le tondeur de moutons, est mort brusquement après qu'il ait reçu la visite d'un sorcier ? Parfaitement, nous avons fait une enquête. Nous avons même coffré trois sages de la tribu. Mais ils ont obstinément refusé de nous révéler l'identité de leur sorcier. Même Romina et son mari ne veulent pas l'identifier. Quand Wellrose revoit Romina, elle est à nouveau prostrée. À présent, elle connaît le sort qui l'attend. Je vais mourir, je le sais. Toutes les femmes de ma tribu le savent aussi. Elles ont coupé leurs cheveux au ras des yeux. Ça veut dire qu'elles attendent ma mort. Désormais, Wellrose et la police surveillent les indigènes de près. Un soir, ils sont amenés à disperser une réunion. Cette réunion se corroborie n'avait d'autre but que d'attendre la mort de Romina et de sa famille. Quelques jours plus tard, le neveu de Hatchako, Boudi, est trouvé inanimé tout près de l'endroit où a eu lieu la réunion de la tribu. Il respire avec difficulté. La police le fait transporter à l'hôpital où les docteurs blancs décident d'utiliser les grands moyens. Boudi est placé sous une tente à oxygène. Cela semble le soulager un moment. Et Wellrose en profite pour lui demander « Qu'est-ce qui t'est arrivé? Peux-tu m'expliquer ?» Non, Boudi ne sait pas pourquoi soudain, à 18 ans, alors qu'il était en pleine forme, il a eu du mal à respirer. Rien de plus. Boudi s'évanouit à nouveau. Sa respiration est oppressée. Puis très vite, il se met à délirer. Il semble au comble de la frayeur. Les infirmières aborigènes qui s'occupent de lui traduisent les mots qui sortent de sa bouche. Il dit qu'il voit des démons effrayants. Ils l'entourent et lui disent « Que tes os pourrissent, que ton sang se change en pierre !» Parfois, dans un sursaut, Boudi se redresse sur son lit sans reprendre conscience. Il fait des gestes désespérés comme s'il cherchait à repousser de nombreux assaillants. À l'aube du lendemain, tout le service hospitalier est mis en émoi par un cri déchirant. On se précipite vers l'île Boudi. Il est mort, dans une dernière convulsion. Et il tient ses mains serrées autour de sa propre gorge, comme s'il cherchait à desserrer l'étreinte mortelle d'un étrangleur du néant. Après la double mort du bébé et du pauvre Boudi, les parents de Hatchako décident de changer d'air. Ils s'enfuient de la tribu, sans même s'inquiéter du sort de leur fils et de leur belle-fille. Ceux-ci, à leur tour, ont dû être hospitalisés. Les médecins tentent tout ce qui est dans leur pouvoir pour enrayer le mal inconnu qui consume le jeune couple comme de l'intérieur. Les prises de sang, les antibiotiques, tout est essayé et rien n'y fait. D'ailleurs, Hatchako et Romina semblent résignés à leur sort. Le cours d'Aïcha nous a condamnés. Il n'y a rien à faire. Sans doute le sorcier inconnu de la tribu a-t-il fini par rêver de Romina et de Hatchako? Sans doute a-t-il bouché les orifices de l'os magique avec de la cire d'abeille? Car le tondeur de moutons et sa jeune épouse sont morts en pleine jeunesse au bout d'un mois.